entière, venue d'Afrique, qui a traversé le temps et l'esclavage. Rythme chaloupé et plein de chaleur, transmis à toutes les générations, généreusement. Invitation à la danse, sur le rythme du Kayan, profiter la liberté et la tolérance. Le F pour la fraternité, le A pour donner l'amour, le S pour être solidaire et le K pour faire Kayan. Le cap, ça même ton racine. Oublie pas ton histoire et donne la joie. Un nouveau jour il lève, plein d'espoir pour l'avenir. Rate pas le train Mahamaï, allons essaye être positif. Tokayam le cap, le monde a besoin de bouger, dans la zone de sa main. Le F pour la fierté, le A pour l'Afrique, le S pour le spectacle, et le K pour le son de Kayam. Traverse le temps et l'esclavage. Invitation à la danse, sur le rythme du Kayan, profiter la liberté et la tolérance. Le monde a besoin de bouger. Donne à Zofa.